vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est la portion nouvelles, entrée des palmarès cifou pour la semaine du 6 au 12 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. En forme, Tania Baudin. Ça va très bien. Le soleil a décidé de sortir. Mathieu, je sais pas si tu es au courant. Temps, oui. La dernière fois qu'on a mis les pieds dans le studio, il faisait très, très noir. Et c'était pas comme ça du tout. Une chose qu'on n'aime pas de soir aussi, parce qu'on commencerait noir et on finirait noir. Ça irait mal, notre affaire. Trop de noir pour nous. C'est ça, exactement. Ouais. Bref, c'est la portion de nouvelles entrées. On va entendre bien sûr les nouvelles pièces des palmarès de cette semaine. En anglophone, il y en a deux. Maono avec Come et The Ruddy Rocks avec The Lake of Rage. Même chose du côté francophone, seulement deux nouvelles entrées. Donc, on va entendre tout à l'heure Philippe Braque. Mais on commence tout ça avec Dilarama et Chantal. Ouais, Chantal, parle-nous ça. 3, 4. Ça n'est pas le reste, c'est fou. Au 89 FM. Chantal, c'est dommage, mais c'est comme ça. Dans un monde idéal, je serais plus qu'un ami pour toi. Chantal, je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Chantal, ce n'est pas obligé d'être comme ça. Je sais c'est impossible, tu me l'as déjà dit. Tu ne m'aimeras jamais comme ça. Je me consolerai en pleurant sur mes lingots d'or volant de Jaguar. Belle des blondes, toute la drogue du monde, ouais. We'll be right back. belle entrée. On a lake of rage. Anne. Nouvelle entrée. La fin m'a vraiment pris par surprise. Je pense que ça vient de me réveiller. Maono avec la pièce Comme, nouvelle entrée en 19e place sur l'album Tuning. Et Maono, c'est un groupe d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Il n'y a vraiment rien à leur sujet. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu La fin du monde de Philippe Braque. Philippe Braque, un artiste que vous connaissez déjà, mais qui fait quand même son entrée au palmarès cette semaine avec son album Le silence des troupeaux. Mm-hmm, je disais que j'avais rien vu sur Maono, mais j'ai encore moins vu de choses sur The Roddy Rocks. En fait, je les ai cherchés avec des guillemets, sans guillemets, avec différentes appellations des différents mots et j'ai rien trouvé. C'est peut-être mon talent de recherchiste aujourd'hui qui est à petite lacune. Donc, The Roddy Rocks avec The Lake of Rage, 20e place, nouvelle entrée, c'est un single. Et la nouvelle entrée qu'on a entendue en tout début d'émission, eh bien, c'était Dilarama avec Chantal. Dilarama de Montréal, c'est à la base un producteur de musique et par la suite, c'est devenu un artiste en part entière. On a décidé de faire notre propre chanson. C'est pas mal bon. Oui, vraiment. Ouais. Nous voilà donc au bout des nouvelles entrées. On en a seulement 4 cette semaine, donc on va avoir le temps de jouer d'autres pièces dans cette première portion de l'émission. Donc allons-y avec les 18e places en anglophone, c'est Emily Haynes and the Soft Skeleton et une pièce de l'album Choir of the Mind qui s'appelle Statuette. Et du côté francophone, eh bien c'est une pièce qui est déjà au palmarès depuis 8 semaines. On est en 18e depuis la semaine dernière. Voici Corridor et Coup d'épée. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. La si relaxante Emily Haynes and the Soft Skeleton. La pièce s'appelle Halloween. C'est le sort de 3 places, 7e semaine de présence. Et du côté francophone, eh bien, c'était Coup d'épée de Corridor, qui depuis la semaine dernière est toujours stable en 18e pour une 8e semaine consécutive dans le palmarès franco. On a de vieilles pièces en ce moment. Oui, c'est ça. La semaine passée, on s'est débarrassé, je pense, de comme 5 ou 6 pièces qui dataient d'il y a 7 semaines. Exactement. Là, on n'a pas encore fait le Palmer Rest in Peace. Ça s'en vient à l'émission numéro 2 de cette semaine. Oui. Et on dit encore au revoir à comme 3-4 pièces de cette semaine. C'est comme ça. Il y a un moment donné dans la session d'automne où on a mis vraiment toutes les nouvelles entrées en même temps. Pour ce numéro 17 en anglophone, ce sera Dead From Above 1979 et Never Swim Alone qui descend de la 14e. Mais voici d'abord Nicolet. Le band et non pas la ville, on se rappelle, avec la mystification. Oui, la toune et non le sorcilège. Exactement, c'est ça. C'est, on se comprend bien. Les palmarès, c'est fou. Bonne sandwich. Oui. Oui, on est sur l'heure du dîner. C'est vrai. À tantôt. Attends. C'est le fun que tu sois attentionné envers les gens qui mangent. Ouais, ça fait plaisir. Sandwich, mais pas les autres qui mangent autre chose. 89.1 FM. Mathieu. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de mettre en onde? Ben, je trouvais que ça ressemblait, tu sais. Ben oui, c'est vrai. C'est comme ça. Bref, on vient d'entendre nos amis de From About 1979 avec Never Swim Alone qui descend de la 14e à la 17e place. C'est une 6e semaine pour cette pièce de l'album Outrageous Now. Et du côté francophone, eh bien, c'était la mystification de Nicolet. Et voilà. Bon, on continue de même, hein? Ben oui, parce pas que le choix. Je sais maintenant, la musique est très bonne. Ça, oui, c'est ça. Position numéro 16, descend de 3 places, Teen Anger avec Fun Forgot. Et du côté francophone, on descend de 3 positions pour Synchro de Rosie Vallant. Vous parlerez, c'est vous. Au 89 FM. Ah. Sur ma langue,

Cold Specs avec Wild Card, position numéro 15, ça descend de 4 places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, ça l'a descendu de 3 positions, c'était Vanity Song de Rudy Bernard. Avant ça, en position 16, on a entendu Teen Anger en anglo avec Fun For God qui descend de 3 places. Et on a aussi entendu une position qui a descendu de 3 positions aussi depuis la semaine dernière, c'était Rosie Vallant et Synchro. Il nous reste seulement un petit peu de temps, donc une pièce seulement à jouer avant la fin de l'émission, ce qui veut dire qu'on va sauter par-dessus WD40 en 14e franco, ça jouera dans la prochaine édition. On va entendre seulement la position oui. Numéro 14 mm-hmm. qui descend le 4. C'est Matisse avec Cellophane. On écoute ça et on vient se dire ah bye bye. À tantôt. Destination. Queen descend des 4 places en 14e anglophone et on a sauté la 14e francophone. Oui, exactement. Donc, on a sauté par-dessus WD-40 et la mère des tourments qui aurait monté de 2 positions. Ouais, mais c'est pas grave, on va l'entendre la prochaine fois qu'on exact. Va se parler. Ah, on se retrouve pour l'édition Mishmash la prochaine fois, c'est-à-dire dans quelques instants pour les auditeurs du samedi, demain pour les auditeurs en semaine, où on est en direct de le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, de midi à 13h. Édition week-end, les samedis à midi. Merci, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À bientôt. Bye. Bye.